maka bolingo. Depuis la douce aurore du jour levant jusqu'au coucher du roi soleil, on a colina yoke langa. Malimi sakango ya mabe ya moninga. Tatu Sardi, Gian Franco Ferri, e Gianni Versace. Mabea Bomona.